L'industriel saisit un des tubes acoustiques qu'il avait toujours à sa portée, même en déjeunant. Il l'appliqua à ses lèvres, puis à son oreille, et dit « Voilà qui est fait. Quand vous n'en aurez plus, il y en aura encore. Maintenant revenons à votre projet. Je ne le désapprouve pas positivement, mais je vous conseille de ne pas trop vous lancer avant d'être mieux renseigné. Car si j'en crois mon fils, rien ne prouve que le coupable soit ce saltimbanque auquel vous avez donné la chasse. C'est lui, j'en suis certaine. Et quand ce serait lui? Il aura sans doute décampé. Je retrouverai sa trace. » « Il n'est pas sûr, d'ailleurs, qu'il soit parti, » dit Julien. « La foire au pain d'épices dure encore sur la place du trône. Et comme ce drôle a su se tirer d'affaire avec le juge d'instruction, il ne craint plus d'être arrêté. Je compte du reste m'occuper de lui, si mademoiselle n'y voit pas d'inconvénient. « Je vous remercie, monsieur, » répondit Camille, sans aucun embarras. « J'agirai de mon côté, mais j'accepte le concours que vous m'offrez généreusement. »« Bravo, » dit le père. « Voilà le collaborateur que vous cherchiez, ma chère enfant. » Mais je vous engage à ne pas trop compter sur sa coopération. Monsieur mon fils passe tout son temps au cercle et dans d'autres endroits qui valent encore moins. Si l'intérêt qu'il prend à votre cause pouvait le guérir de ses mauvaises habitudes, je serais votre obligé. Mais je ne me flatte pas encore que vous l'ayez converti. On me verra à l'œuvre, dit Julien, piqué au jeu par cette espèce de défi. Madame Chemezac s'abstint de prendre parti à ce petit débat. Elle pensait, comme son mari, que Julien ferait bien de renoncer à la vie qu'il menait. Mais elle craignait aussi qu'il ne s'embarquât dans des expéditions trop périlleuses. Camille lui était sympathique, mais les idées indépendantes que celle-ci affichait la choquaient un peu. Et avec sa prudence bourgeoise, elle jugeait au moins inutile de pousser son fils à se faire l'auxiliaire d'une orpheline si hardie. Cette association pouvait être la préface d'un mariage, et si riche que dût être plus tard mademoiselle Monistrol, cette mère avisée pensait avec raison que s'il se rangeait, Julien trouverait mieux dans le monde où vivaient ses parents. À ce moment, le caissier entra, tenant d'une main 5 rouleaux d'or, et de l'autre un reçu que Camille signa sans difficulté. Elle n'avait pas à rougir d'accepter cet acompte sur l'héritage du pauvre inventeur, qui lui laissait une si belle fortune. « Savez-vous, mademoiselle, » reprit Gémozac, « que je ne suis pas très tranquille quand je songe à votre isolement dans cette maisonnette où on a tué et volé votre père ?» Puisque vous tenez absolument à y rester, vous devriez prendre un garde du corps. Voulez-vous que je vous envoie tous les soirs un de mes garçons de recette, un ancien militaire, un colosse, qui à lui tout seul tiendrait tête à une bande de brigands. Vous avez bien une mansarde pour le loger. Merci, monsieur, j'ai Brigitte. Qui ça, Brigitte? Ma nourrice, monsieur. Elle est forte comme un homme, et elle n'a peur de rien. Elle saurait me défendre. À votre place, je ne m'y fierais pas trop. Et d'ailleurs, elle n'est pas encore à son poste. « Pardon, monsieur, elle y est depuis hier. Je suis allé la chercher à Montreuil. Elle a tout quitté pour venir avec moi, et elle m'attend à la maison. Permettez-moi donc de prendre congé de vous. »« Ah, vous m'en direz tant, » murmura Gémozac. Il se leva. Sa femme était déjà debout. Elle aimait autant ne pas prolonger cette première entrevue, mais elle se réservait de faire, dès le lendemain, une visite à mademoiselle Monistrol, et de causer avec elle en tête-à-tête et à fond. Elle l'embrassa sur les deux joues et elle la reconduisit jusqu'à l'escalier. Le père et le fils se contentèrent de serrer les mains que Camille leur tendait. La courageuse fille avait dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle emportait dans un petit sac de cuir un trésor qui suffisait à la défrayer pendant des mois. Même en ajoutant à sa dépense ses frais d'entrée en campagne, et elle savait bien qu'elle avait maintenant un véritable ami, en la personne de Julien Gémozac. Mais elle ne comptait que sur elle-même. Et elle était décidée à ne pas perdre une minute pour entamer les opérations. Elle était venue en fiacre. Elle se fit conduire directement à la place du trône. Elle passa devant sa maison, elle aperçut même Brigitte à la fenêtre, mais elle ne s'arrêta point. Elle se reprochait déjà de ne pas avoir commencé par inspecter les baraques de la foire, et il lui tardait de s'assurer que la troupe dont Zigzag faisait partie n'avait pas encore déménagé. Une foire le matin, c'est comme un théâtre, aux heures où on ne joue pas. Le public est absent, tout est silencieux. Plus de foule, plus de fanfare. À peine quelques gamins du quartier jouent à cache-cache parmi les baraques fermées, et les boutiques encore ouvertes, de leur enveloppe de toile grisée. Par-ci, par-là, une marchande arrangeant son étalage, une danseuse de cordes, affublée d'un vieux châle à carreaux, accroupie sur un escabeau, et rapiéçant un maillot troué. Un Hercule redingante usé revenant du marché, un panier à la main. C'est le moment où les artistes, qu'un public spécial applaudira le soir, redeviennent de simples mortels, faciles à approcher et toujours prêts à accepter une tournée sur le zinc du marchand de vin. Camille savait cela pour avoir traversé une fois la place du trône depuis que la fête annuelle du pain d'épices était commencée, et elle comptait profiter de l'occasion pour se renseigner. Elle espérait même que le hasard de cette promenade la mettrait face à face avec le célèbre Zigzag, qu'elle le surprendrait en déshabillé et qu'elle le reconnaîtrait à ses mains. Il les cachait pour exécuter le fameux exercice intitulé « tête en avant », mais lorsqu'il n'était plus en scène, il les montrait assurément, et on ne pouvait pas les confondre avec celles d'un autre clown. Il y avait surtout ce pouce monstrueux qui s'était, pour ainsi dire, imprimé en creux sur le cou du malheureux Monistrol. Ce pouce à l'existence duquel le juge d'instruction refusait de croire, prétendant que la jeune fille avait rêvé, ou que la peur qui grossit les objets lui avait troublé la vue. Comment ce magistrat, en interrogeant le saltimbanque, n'avait-il pas remarqué le doigt crochu? Camille n'y comprenait rien, mais elle se disait que Zigzag, rassuré par l'interrogatoire qui s'était terminé par un renvoi pur et simple, ne prenait sans doute plus la peine de se cacher, qu'elle le rencontrerait infailliblement, et qu'il lui suffirait d'un coup d'œil pour constater la difformité qui l'avait si vivement frappée le soir de l'assassinat. C'était tout ce qu'elle voulait pour le moment. Une fois qu'elle serait sûre de son fait, il serait temps d'arrêter un plan de campagne. Elle eut soin de descendre de voiture un peu avant d'arriver à la place du trône, afin de ne pas trop attirer l'attention, et elle se dirigea vers le côté gauche du rond-point où elle devait trouver la baraque qu'elle cherchait. Toutes étaient closes, les représentations ne commençant guère avant 4 heures. Mais autour de quelques-unes, il y avait un certain mouvement. Des gens allaient et venaient. Des enfants jouaient. Celle où Zigzag travaillait semblait être abandonnée. Il n'en sortait aucun bruit, pas plus qu'il ne sortait de fumée d'un tuyau de poêle qui s'élevait au-dessus du toit de la voiture, bizarre où logeaient les artistes de la troupe. Cette voiture, une espèce d'arche de Noé, une maringotte, disent les saltimbanques, était restée derrière la baraque. Les deux chevaux, poussifs qui la traînaient par les chemins, dételés maintenant et attachés aux jantes d'une des roues, essayaient de brouter le maigre gazon municipal. Un homme en vareuse et en chapeau à 3 cornes était assis, bras croisés, sur le timon et mâchonnait entre ses dents la courte queue d'une pipe éteinte. Cet homme avait une face carrée, rougeaude, agrémentée d'un nez trognonnant et comme coupé en deux par une large bouche qui ressemblait à l'ouverture d'une tirelire. Camille ne le reconnut pas tout d'abord, à cause du changement de costume. Mais en le regardant avec attention, elle se rappela de l'avoir vu par Adam sur l'estrade. C'était le pitre qui était venu annoncer au public que Zigzag allait paraître. Mais il n'avait plus son air jovial et narquois. Ses gros yeux étaient devenus ternes comme des yeux d'aveugle. Son dos s'était voûté, mais sa physionomie niaise avait pris une expression mélancolique. Il lui était évidemment arrivé quelques malheurs, et c'était un prétexte tout trouvé pour entrer en conversation avec lui. La jeune fille s'approcha hardiment et le tira de ses rêveries en lui frappant sur l'épaule. Il ne l'avait pas entendu venir, et il l'examina avec une mine ahurie qui le rendit encore plus grotesque. Camille savait parler au pauvre diable. « Eh bien, mon brave, lui dit-elle, ça ne va donc pas comme vous voulez ?»« Pas seulement de quoi acheter du tabac, grommela-t-il, en ôtant sa pipe et en secouant le fourreau vide. « Si ce n'est que ça... »« Comment, si ce n'est que ça ? Vous en parlez à votre aise. » « Je voudrais vous y voir, si vous n'aviez rien dans le coco depuis hier, et pas de tabac pour tromper la faim. »« Et puis d'abord, qu'est-ce que ça vous fait ? Je ne vous ai jamais vu, et je ne suis pas en train de causer. »« Ça m'étonne que vous ne me reconnaissiez pas. Vous étiez pourtant là le soir où on m'a mis à la porte, sous prétexte que je troublais le spectacle. Vous ne vous rappelez pas que le sergent de ville voulait me conduire au poste ?»« Ah bah oui, je vous remets maintenant. Mais si vous ne m'aviez pas parlé, je n'aurais jamais deviné que c'était vous, dame. » « Faut dire aussi que l'autre jour vous étiez habillé comme une pas grand-chose, tandis que ce matin vous avez l'air assez calé. Il n'y a rien qui vous change une femme comme la toilette. » « Alors comme ça, reprit le pitre, qui regardait Camille en dessous, c'est vous qui couriez après Zigzag, sous prétexte qu'il venait de vous voler ?»« Eh ben, vous vous mettiez le doigt dans l'œil, vu que le curieux qui l'a interrogé n'a rien trouvé contre lui. C'est-il vrai seulement qu'on vous a pris des billets de 1000 ?»« Pas à moi, à mon père. Il voleur l'a assassiné. » Alors c'est pas Zigzag. Il est bien canaille, mais il est trop lâche pour tuer un homme. Et puis si c'était lui, il n'aurait pas pu mettre dedans le juge, le commissaire et tout le tremblement. Ils l'ont assez retourné, allez, et ils nous ont assez embêtés. On a tout fouillé, nous et nos mâles. Ils ont mis la baraque sans dessus-dessous. Mais ils n'ont rien trouvé, et Zigzag a prouvé qu'il n'était pas sorti pendant la représentation. Mais vous, ma petite dame, vous pouvez vous flatter de nous avoir fait du tort. Aurait-on accusé quelqu'un de vos camarades ? Demanda vivement Camille. Quoi qu'on me mette en face de lui, et je déclarerai que je ne le reconnais pas. Oh, on n'accuse personne. Il ne manquerait plus que ça. Mais la troupe est en brin de zingue. Nous avons été obligés de fermer, parce que nous ne faisions plus un sou. Le directeur a mis la clé sous la porte, le vieux filou. Et voilà 2 jours que je n'ai mangé la soupe. Vous la mangerez aujourd'hui, mon ami, dit la jeune fille, en tirant une pièce de 20 francs de son porte-monnaie. Le pitre la prit sans façon et l'empocha immédiatement. À la bonne heure, s'écria-t-il. Vous avez bon cœur, vous. Le petit aura de quoi se mettre sous la dent. Et 2 grosses larmes roulèrent sur ses joues bouffies. Vous avez un enfant ? Lui demanda Camille avec intérêt. Oui, un mioche qui va sur ses 13 ans et qui mord joliment au métier. Vous avez dû le voir sur l'estrade, en paillasse. Ah, si je n'avais que moi à nourrir, je trouverais à travailler. Et si je ne trouvais pas, j'en serais quitte pour crever. Mais mon Georget, il n'est pas accoutumé à se brosser le ventre. Et votre femme ? Ma femme, ricana le malheureux pitre, elle s'est sauvée avec ce gueux de Zigzag. Quoi ? S'écria Camille. Zigzag, le clown que j'ai poursuivi jusqu'à la porte de votre baraque et que le juge n'a pas voulu arrêter, il est parti. Il a décampé avant-hier et il a emmené Amanda, dit le pitre d'un ton lamentable, une coquine que j'avais ramassée sur un chemin où elle demandait l'aumône. Elle me doit tout. Je lui ai appris à danser et à jongler sur un fil de fer. J'ai fait la bêtise de l'épouser et 3 ans après, elle me plante là pour suivre un gredin qui ne vaut pas la corde pour le pendre. Comment a-t-elle pu abandonner son enfant ? Georget, il n'est pas à elle. Dieu merci. Je me suis marié 2 fois, et si j'avais encore sa mère, je n'en saurais pas où j'en suis. Elle s'est cassé les reins en travaillant à la foire de Guibray. En voilà une qui ne boudait pas à la besogne, et qui soignait bien le petit. Ah, c'est pas lui qui regrettera Amanda. Elle ne lui faisait que des misères, la gueuse. Et j'étais assez lâche pour ne pas oser la rosser. Et quand Zigzag tournait autour d'elle, je n'y voyais que du feu. Fallait que je sois serein. Ils ont filé ensemble, et elle a emporté le magot, 300 francs que j'avais amassés sous par sous. C'est bien fait, je n'ai que ce que je mérite. » Le pauvre diable pleurait à chaudes larmes. Cette douleur sincère toucha mademoiselle Monistrol, mais elle ne lui fit pas oublier Zigzag. L'occasion était bonne pour se renseigner sur ce misérable, qui tuait, qui volait et qui enlevait la femme de son camarade. Camille songeait déjà à se faire du mari trompé un auxiliaire utile, et elle reprit vivement. « Je vous plains de tout mon cœur, et je voudrais vous aider à retrouver les coupables, car je suppose que vous n'allez pas les laisser en paix. Et moi aussi, j'ai un compte à régler avec Zigzag. »« Oui, grommela le pitre, ça se peut bien tout de même qu'il ait tué votre père, car il est capable de tout. Et je ne demanderai qu'à le voir monter sur la guillotine. Mais les juges sont si bêtes. Ils l'ont lâché une fois, ils le lâcheraient encore. Quand même, je remettrai la main sur lui, et je n'aurai pas cette chance-là. Vous pouvez toujours le chercher et gagner notre pain. » Le petit ne vit pas de l'air du temps, ni moi non plus. Notre patron a fermé boutique. Il doit tout le monde. La maringotte est saisie, et la baraque, les costumes, tout, quoi. Je vais tâcher de nous faire engager quelque part, Georget et moi, mais j'aurai du mal, vu que la foire finit après-demain. « Comment vous appelez-vous, mon ami ? » demanda brusquement Camille. « Jean Courapier, 45 ans, né entre Paris et Amiens. Tenez-vous à continuer le métier que vous faites ?»« Je n'en sais pas d'autre. Mon père était escamoteur. » Et ma mère disait la bonne aventure. Je suis un enfant de la balle. Mais si on vous assurait une bonne existence, à vous et à votre fils, une existence moins pénible et plus régulière, ce ne serait pas de refus, surtout si je pouvais faire donner de l'instruction aux petits. Malheureusement, je n'ai pas encore rencontré de bourgeois disposé à m'adopter et à me faire des rentes. Le bourgeois, ce sera moi. Vous, ma petite dame, ça m'irait comme un gant. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Vous allez me dire que je suis bien curieux. Je ne suis qu'un paillasse, et je ne devrais pas faire le difficile. Et pourtant, si on me proposait une canaillerie, je refuserais, quand ce ne serait qu'à cause de Georget. Je l'espère bien. Si je ne vous prenais pas pour un brave homme, je ne m'adresserais pas à vous. Enfin, de quoi est-ce qu'il retourne? Vous ne le devinez pas, mon père a été assassiné, et j'ai juré de le venger. La justice a laissé échapper l'assassin. Je ne veux pas qu'il m'échappe. Je n'ai fait que l'entrevoir, mais vous le connaissez, vous. Zigzag? Ah, je vous crois que je le connais. Voilà 18 mois qu'il roule avec nous. Mais savoir si c'est lui qui... J'en suis certaine. Après le crime, j'ai cru après lui. Et je l'ai vu entrer dans la baraque par cette petite porte. C'est vrai qu'il avait la clé. Mais il a juré qu'il n'était pas sorti pendant la représentation. Moi, je savais bien qu'il mentait. Seulement, je croyais qu'il était allé se rafraîchir chez le marchand de vin. Et je n'ai pas voulu lui faire arriver de la peine. Ah, si j'avais pu me douter qu'il allait me voler Amanda. Eh bien, si vous consentez à me servir, nous le rattraperons. Et quand nous le tiendrons, je me chargerai de prouver qu'il a commis le vol et le meurtre. Acceptez-vous ? Je ne dis pas non, mais je ne réponds pas de le repincer. Il est malin, et s'il a de l'argent, il n'a pas dû moisir à Paris. Écoutez-moi, je suis riche, et rien ne me coûtera pour le retrouver. Vous et votre enfant, vous allez commencer par changer de costume. Il faut que vous soyez vêtus convenablement, afin qu'on vous prenne pour un bourgeois qui arrive de la province avec son fils. Vous louerez un logement dans un hôtel modeste, et vous y descendrez avec un bagage suffisant. Vous achèterez aujourd'hui des habits et des malles. Je demeure tout près d'ici, dans une maison que je vous montrerai. Mais il est inutile que vous habitiez ce quartier, où vous pourriez être reconnu. Vous viendrez me voir quand vous serez installé et vous commencerez aussitôt vos recherches. Bien entendu, je payerai tous ces premiers frais et je vous remettrai chaque mois 300 francs pour vos dépenses, jusqu'à ce que nous ayons réussi. Après, je vous procurerai un emploi et je placerai votre fils dans une pension où on fera de lui un homme. Plus tard, je me chargerai de son avenir.